Tout comme la semaine dernière, on se fait plaisir avec la doublette suivante qui nous vient exclusivement de Toulon, Antagonisme et Catacombs. Ensuite, le premier, c'est un groupe de trash actif depuis 2016 qui vient de sortir là son second effort studio en autoprod, dit titre pour 40 minutes, d'inspiration old school Metallica. Voilà, le chanteur est très très bon, même si du coup le petit accent franchouillard vient un peu gâcher le plaisir. Catacombs, ensuite, vieux groupe de death metal toulonnais, actif depuis le début des années 90, plus ou moins en stand-by par période, réellement redevenu actif en 2018 avec cette année la sortie de son premier véritable album, une sortie chez Extreme Music, hein, le label espagnol du chanteur de Avulst. On est dans la veine des vieux Morbid Angel et autres Vital Remains. Au niveau line-up, on peut noter la présence de l'actuel cogneur de Micro Wretch. Vous allez voir son type de frappe se ressent et se retrouve vraiment dans cette ambiance un peu blackisante du death metal de Catacombs. Antagonisme tout d'abord, Avest Miser Fortune, extrait d'album First In, First Out. Catacombs ensuite, Crawling Chaos, extrait de l'album When the Stars Are Right. C'est parti. Got it to my news. Elle est généreuse aujourd'hui, cette spé française. On passe maintenant à une doublette de nouveautés, Gravity. D'ailleurs, on peut retrouver même des petites connotations d'un groupe à l'autre. Hein. Le premier s'appelle Gravity, le deuxième s'appelle Montagne. Puis vous verrez, on a plein de jeux de mots ultra pourris pour présenter ces deux groupes. Gravity, tout d'abord. On est, comme je disais, sur une nouveauté. C'est assez loin de ce qu'on a l'habitude de vous diffuser d'habitude dans l'émission, parce que là on est sur un album à la croisée du metalcore, d'espèce de moderne metal un peu prog, mélodèse, djent, etc. Clairement, moi généralement c'est clairement le style qui me répugne. Le groupe nous vient de Montpellier, est actif depuis 2009, ils sortent là leur quatrième effort studio, du coup mais... Pourquoi est-ce qu'on diffuse ça? Tout simplement parce que déjà je suis pas tout seul à diffuser de ce qu'on diffuse dans l'émission, ce qui permet de ratisser large. Et c'est surtout qu'en fait c'est vachement bien fait ce que nous propose Gravity. On est sur des inspirations clairement identifiées entre Gojira et Meshuga, des passages syncopés, on est même sur des parties ultra martiales. C'est porté par une femme qui a un immense panel vocal, hein, quelques nappes de chant clair et surtout un chant saturé bien vénère, qui colle parfaitement bien à l'ensemble du contenu musical de ce que nous propose Gravity. Et Montagne, ensuite, est-ce qu'on aurait le droit de dire qu'avec ce type de nom, on peut coller une étiquette assez rapidement puisqu'on est sur du post-metal, post-hardcore? La formation est francilienne, active depuis une bonne demi-douzaine d'années. Ils sortent là leur troisième EP. Trois compos de 5 à 7 minutes avec des textes en français. C'est une première pour le groupe. Un résultat plutôt lourd qui se mêle massif de Montagne. Viscéral de par le côté post-hardcore qui se ressort bien forcément dans les parties vocales. C'est hyper hargneux et donc viscéral. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien, Gravity, on va s'écouter le titre Lore, extrait de la nouvelle galette Momentum. Montagne ensuite, Noir et la piste, extrait du nouvel EP. Poudreuse, c'est parti. Oh! We'll be right back. La doublette suivante nous fait quitter l'aspect française et nous permet d'enjamber jusqu'au retour de la diff internationale, avec tout d'abord Diablation, une récente formation de black metal à tendance synfo, formée par des icos bien expérimentés, puisqu'on retrouve notamment le tout premier vocaliste de Seth, le groupe de black bordelais. Il était présent sur les deux premiers albums, dont le plus culte, hein, entre 95 et 2001, j'ai bouffé le nom, Les Blessures de l'âme, voilà. Vicomte Vampire Arkhams, donc. Diablation a sorti son premier album en décembre 21 chez Antique Records. Et au passage, voilà, le deuxième album voit le jour chez Osmos Prod. On est sur un black bien français, avec des textes en français, hein, musicalement c'est très très très identifiable par rapport à la French Touch. Quelques petites nappes orchestrales, voilà. La seule touche négative, je dirais, c'est cette batterie qui sonne beaucoup trop synthétique. Et à côté de ça, ça reste très très très bien fait dans son ensemble. Despil, ensuite, pour refermer totalement le chapitre de l'aspect française, parce que là on repart sur la diff internationale, c'est un trio féminin qui nous vient de Kiev, actif depuis quelques années, qui nous balance une sauce entre du punk hardcore, du trash crossover et même du punk rock. Voilà, un des trucs les plus souples qu'on vous diffuse ce soir. Le trio a sorti un premier EP en 2018, et là on nous envoie un petit 9 titres avec des compos allant de 1 à 3 minutes. C'est forcément assez éclectique au niveau de leur recette, et c'est très influencé par les vieux noms du punk hardcore type Black Flag, aussi bien que les formations de thrash plus emblématiques ou plus actuelles, telles que Exodus ou Nervosa, avec une petite touche punk rock à roulette, pour des refrains plus mélodiques et accrocheurs. Voilà, c'est hyper énergique et non pas merdique, et surtout bien vindicatif et revendicatif. Voilà, parce que en plus le groupe vient de Kiev, donc grosse actualité en ce moment niveau prise de position. Diablation au bord du gouffre, extrait de l'album Par le Feu, une sortie Osmos Prod. Despils, voilà, je commence à être bien fatigué moi. Miss Revolt, extrait de l'album éponyme Despil. C'est parti. Shit, On approche tranquillement de la dernière partie de l'émission avec là une petite séquence qui va bien nous faire voyager. Tout d'abord Bloodrust, un one-man band de death metal qui nous vient d'une région assez isolée, les îles Falkland, plus précisément les îles Malouines, en plein cœur de l'océan Atlantique, 400 km des côtes de l'Argentine. 3000 habitants sur l'archipel, dont un métalleux, voilà, qui fait partie du seul groupe de métal référencé, puis voilà, c'est un projet solo qui a vu le jour en 2010. Une sortie sur le label colombien Masters of Chaos, hein, on en parle pas mal de ce label depuis quelques temps. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien là, le nouvel effort de Bloodrust sort sur le label ukrainien Archaic Sound, label qui a notamment sorti plusieurs albums de 1914. On est sur un death plutôt old school, voire même d'inspiration war death, à la sauce Bolthrower Hells of Bullet, à la fois rouleau compresseur et martial, voilà cette batterie programmée très très synthétique qui donne vraiment une dimension très très très glaciale et brutale à la musique de Bloodrust. The Evil, ensuite, on est sur un groupe d'occulte Doom qui nous vient du Brésil, actif depuis une dizaine d'années. Une petite signature chez Osmos Prod. Au niveau du line-up, on retrouve un certain Wagner Antichrist à la guitare. Et c'est surtout le vocaliste-guitariste d'origine des Sarcophago. Voilà, il n'y a pas plus culte au Brésil en termes de métal extrême que Sarcophago. Dans The Evil, il fait donc surtout la guitare, le chant étant tenu par une femme qui a un spectre vocal très large, très convaincant. Elle maîtrise vraiment super bien ses lignes vocales. On a va du Doomstoner bien massif avec des rythmes mammouthesques à une ambiance vraiment occulte avec des tempos beaucoup plus lents. Le thème est abordé via les 7 péchés capitaux. Voilà, c'est travaillé, super bien mis en musique avec des petits relents bien grandiloquents pour le côté Doom presque horrifique. Bloodrust, le titre War Machine, extrait de l'album At Glory's End. The Evil, le titre Lust, extrait de l'album Seven Acts of Apocalypse. C'est parti. Doublette suivante, l'avant-dernière pour ce soir, qui nous emmène de ci et de là. Tout d'abord, Xalpen, un groupe de black qui nous vient de Santiago du Chili, actif depuis 2014, et qui vient de sortir son second album studio. Un petit power trio qui nous balance un black metal à la fois cru et très direct, avec même des petites ambiances ritualisto-chamaniques. On est sur quelque chose de très mystique-occulte même dans l'approche, hein, qui nous renvoie à des légendes propres aux natifs du Chili, hein, forcément les civilisations précolombiennes. Le nom du groupe, d'ailleurs, Xalpen, désigne la déesse du monde souterrain dans la mythologie Saknam, le nom d'un petit village voilà, en mer indien, qui a été exterminé au passage à la fin du 19e, début 20e siècle. A noter qu'une des deux têtes pensantes du groupe, hein, pour la touche qui concerne le line-up, tient la basse et une partie des lignes vocales dans Vatain. Depuis 2007, voilà, c'est le bassiste session. À noter qu'il est actif dans la scène extrême chilienne depuis le début des années 90. Voilà, vraiment un vétéran à la matière, parce que ça a été un des tout premiers groupes de death metal dans lequel il officiait au Chili. En doublette avec Xalpen, Torsofuck, le duo finlandais de gore grind, brutal death, slamisant, qui s'est reformé l'année dernière. Voilà, ils ont déjà pas mal de dates de programmées. Et puis ce nouvel effort studio qui voit le jour après le cultissime Erotic Diarrhea Fantasy. Voilà, deuxième effort studio longue durée. Il y a autant de samples que de parties musicales, si l'on peut dire. Voilà, notez que Torsofuck est quand même actif depuis la fin des années 90. Pour la musique, qu'est-ce qu'on va s'écouter? Xalpen, le morceau Chenke, extrait d'album The Curse of Nawips. Torsofuck, Molested with Festering Stump, extrait d'album Postpartum Ecstasy. C'est parti! There is no peace. touch. Yes, squeeze it. À l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. C'est déjà l'heure de se quitter avec la dernière doublette pour ce soir. Dernière doublette qui va encore nous faire bien voyager. Ulfus, tout d'abord, groupe de black islandais, qui peut se traduire par hostilité. Bon, ça porte plutôt bien son nom. Le groupe a sorti son premier album chez Dark Descent tout récemment. Après un EP qui a vu le jour en 2018, à noter que le groupe est actif depuis 2015. On est forcément sur un line-up avec des icos déjà impliqués dans d'autres projets de la scène Black Death islandaise. Là, on est sur une grosse inspiration suédoise, hein, ça pue le Dissection et la scène Black Death mélodique des années 90-2000. C'est violent, c'est dissonant, c'est atmosphérique, c'est hyper soigné et varié. Vraiment l'idéal de ce que nous propose la scène islandaise. Et on va se quitter avec un extrait de Smallpox Aroma, groupe de grindcore qui nous vient de Bangkok en Thaïlande, actif depuis 2016 déjà, et qui après divers splits, EP, compilés, etc., etc., vient juste de sortir son tout premier album studio, entre guillemets, longue durée, 13 titres pour 17 minutes. C'est tout bien comme il faut, une putain de dose de hargne et de bagarre, avec cette petite touche typique vraiment du grindcore d'Asie du Sud-Est. Au niveau des inspi, ça peut nous balancer aussi bien du Nazum que du Mago des Reines que les premiers Rotten Sand. Le groupe, le petit trio, donc, a le même line-up depuis ses débuts il y a une quinzaine d'années. Stabilité, solidité, efficacité pour Smallpox Aroma. Ulfus tout d'abord, The Gods Left Behind, extrait d'album of Existential Distortion. Smallpox Aroma ensuite, Gory Sight, Shining Bright, extrait de l'album Festering Embryos of Logical Corruption. Au passage, c'était la dernière doublette de l'émission de ce soir. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain. Ciao, ciao.